Chapitre 7e, dans la chambre de la morte. Le docteur et Fouinard avaient parcouru soigneusement toute la maison. « Menez-moi à la chambre de la morte, » dit Fouinard. « Je comprends très bien votre hésitation, mais il le faut. Certes, je n'attends pas de l'examen de cette chambre, 2 ans après le crime, une révélation précise. Mais j'ai ce principe que pour étudier un problème, il est bon de se placer dans le milieu même où il s'était posé. » La chambre était vaste, éclairée par 2 fenêtres qui ouvraient sur le parc, avec une échappée sur les coteaux et sur la Marne. Le docteur avait soigneusement refermé la porte. « Voici, » dit-il d'une voix tremblante, « c'est dans ce lit que j'ai trouvé ma chère Lucille morte. » Où s'appuyait sa tête ?« Oh, je ne l'ai pas oublié. Ici, du côté de la muraille. » Le lit laissait-il comme maintenant une ruelle assez large ? « Oui, c'était la place que j'occupais ordinairement. Mais je vous l'ai dit, par une effroyable fatalité, cette nuit-là, je l'ai passée dans mon bureau de travail. » Fouinard s'était glissé dans la ruelle en examinant la place avec attention. De larges rideaux de damas bleu et argent enveloppaient le lit. Fouinard se glissa sous les plis qui se rabattirent sur lui et bientôt il reparut aux côtés du docteur. « Je vous demande pardon de réveiller de sinistres souvenirs, » continua Fouinard à voix basse. « Mais est-ce vous-même qui avez présidé à la toilette du cadavre ?»« Non, je n'en ai pas eu la force. » Sa cousine et tous mes serviteurs rivalisaient de bonté pour m'arracher à ce douloureux spectacle. Je les ai laissés agir. Les serviteurs qui ont accompli ce pieux devoir sont encore à votre service? Oui, presque tous. Le jardinier Sylvain, Albaret, mon valet de chambre et Julia. Oui, je les connais. Tête de braves gens. Dites-moi, je vois une porte derrière le lit. Où donne-t-elle? Sur un cabinet de toilette. Au-delà se trouve un petit escalier qui descend au jardin où j'avais fait aménager pour ma chère Lucille un kiosque, perdu dans les feuilles et les fleurs et où elle aimait à faire de la musique. Je verrai cela tout à l'heure. Allumez donc une seconde lampe. Vous n'en avez pas sous la main? Alors des bougies, dans ce candélabre, et placez-le ici, devant une des fenêtres. Quoi? Voulez-vous donc qu'on sache que nous sommes ici, dans cette chambre, où nul ne pénètre jamais? Peut-être. N'oubliez pas le pacte. Il faut m'obéir. Cependant, il examinait attentivement les meubles, la cheminée. Voyons, monologuait Fouinard à voix très basse. Le crime n'avait pas le vol pour mobile, c'est évident. Pourquoi tue-t-on une femme? À la suite de quelque intrigue galante, par vengeance. Ici, il est évident qu'une pareille hypothèse est insoutenable. Cette femme-là était profondément honnête. L'allure de cette chambre, de toute malsaine coquetterie absente, le prouve certainement. On tue une femme pour en hériter, d'une façon ou de l'autre. En ce cas, on choisit un moyen de meurtre, facile, qui ne laisse pas de traces. C'est pourquoi, avec une imagination diabolique, on s'est arrêté à l'idée du clou. Si peu qu'on sache d'anatomie, on n'ignore pas que la voûte du crâne est assez dure. Pour faire pénétrer le clou d'un seul effort, il faut un coup sec, nettement, brutalement appliqué. C'est assez difficile à pratiquer pour qui n'a pas l'habitude du marteau. Tout en parlant, Fouinard furetait. Il passa derrière le lit, s'introduisait entre les rideaux et le palissandre. Donc la tête de la femme était là, sur l'oreiller, et on avait porté le cou. Il poussa un cri léger. « Docteur, venez auprès de moi. Regardez et répondez nettement à cette observation. La tête couchée sur l'oreiller ne présentait pas le dessus du crâne, mais bien le front ou la tempe. Alors, comme la pointe du clou était placée juste sur le sommet de la tête, il a donc fallu que la femme se tienne assise dans son lit. En effet, mais pardonnez-moi, mon émotion est telle que je me sens presque incapable de raisonner. » Fouinard réfléchit un instant. « Je vous en supplie, » reprit-il, « rassemblez vos souvenirs. Ah, j'y pense. Votre femme n'avait-elle pas, par hasard, l'habitude d'arranger, dans son lit, ses cheveux pour la nuit, par exemple, de les fixer, en les relevant à pleine main, par des épingles, un filet? Oui, oui, vous avez raison, je m'en souviens. Pour cela, il fallait bien qu'elle s'assit dans son lit. Sa tête alors étant droite et présentant en haut le sommet du crâne. C'est exactement cela. Telle était l'habitude de Lucille. Pour cette toilette de nuit, et par une coquetterie naturelle, elle se servait d'un miroir qu'elle plaçait sur ses genoux. Mais vous êtes donc devin? Tous ces détails sont exacts. Comment pouvez-vous? Fouinard se jeta en bas du lit, se baissa et désignant du doigt une lame du parquet. Voyez-vous ce point brillant? Oui, certainement. Toto tira un couteau de sa poche et l'introduisit entre les 2 lames. « Regardez ceci, » dit-il au docteur, « c'est un débris, très petit, d'un miroir, un morceau de verre avec teint. ce qui signifie que, quand votre femme a été frappée, le miroir, qu'elle tenait appuyé sur ses genoux relevés, est tombé à terre et s'est brisé. Connaissiez-vous le miroir dont elle se servait? Certes, un petit miroir Jean-Louis XVI, une merveille que je lui avais offerte moi-même au jour de sa fête. Et avez-vous retrouvé ce miroir dans sa chambre? Non. Je me souviens même d'avoir constaté sa disparition. Mais dans mon chagrin, ce qui m'étonne, c'est de n'avoir rien entendu. J'étais si absorbé dans mon travail. Et vous n'aurez attaché à ce détail aucune importance? Or, il prouve que l'assassin a soigneusement ramassé les morceaux de verre, sauf ce débris infinitésimal qui lui a échappé et qui est resté là depuis 2 ans, et qu'il a emporté le cadre pour que l'attention ne fût pas éveillée. Ces déductions m'épouvantent. Quelqu'un ici est-il amateur, connaisseur de bibles rares? Oh, quant à cela, je puis vous affirmer le contraire. Et pour ne parler que des Valadier, par exemple, la mère comme la fille ignorent absolument la valeur des styles. Elles en sont au faubourg Saint-Antoine. Bravo, fit Fouinard. Comme le docteur le regardait étonné, ne vous inquiétez pas de ce qui m'échappe. Voici le fait. Votre femme a été surprise pendant qu'elle se coiffait pour la nuit. À ce moment, et sans que rien eût pu faire prévoir son mouvement, il bondit sur la petite porte qui s'ouvrait derrière le lit et qui, lui avait dit le docteur, conduisait dans un cabinet de toilette. Il voulut l'ouvrir, mais la serrure était fermée à double tour et rouillée. Il perdit quelques secondes à faire jouer le pen et se précipita dans le cabinet. À la lueur de la lune, il vit en face de lui la porte de l'escalier, s'y jeta, roula en bas. Oh, il ne se trompait pas. Son oreille, douée d'une acuité extraordinaire, avait surpris derrière la porte un frôlement. Quelqu'un était là qui épiait, qui écoutait, et il s'était rué. Mais cet être, cet inconnu, d'une agilité remarquable, avait dégringolé avant lui les marches de l'escalier. Il entendit qu'il traversait le kiosque d'en bas. Il l'atteignit, vit vaguement une forme sombre, mince, assez haute, comme enfermée dans une gaine noire, qui s'engouffra dans la porte intérieure. Il bondit, crut arriver à temps, la porte se referma, et ce fantôme, car telle était l'apparence de cet être mystérieux, était cependant assez en chair et en os pour donner du dehors un tour de clé à la serrure. Fouinard tira de sa poche un rossignol de son invention, fit jouer les pennes, ouvrit la porte, regarda au dehors à travers le jardin. Mais encore une fois, il avait perdu des secondes, une minute peut-être. Dans la masse sombre des arbres et des touffes de laurier ou de fusain, plus rien qui bougea, qui fit tâche. Sans hésiter, cependant, Fouinard se lança au hasard dans une allée. Mais voici qu'il buta dans des chaises de jardin qui étaient éparses. Il culbuta et s'étala de tout son long. Cette fois la piste était bien perdue. « Mon petit toutou, » se susurra-t-il à lui-même, « pour une veste, c'est une veste. Ça ne fait rien. Tu n'as peut-être pas perdu ta soirée. » Il remonta rapidement et rentra dans la chambre. « Que s'est-il passé ? » demanda le docteur. « Vous avez disparu si rapidement ?»« Rien, rien, » dit Fouinard. « Une lubie qui m'est passée dans la tête. Docteur, ces émotions vous brisent. Allez vous reposer. » « Songez que demain vous avez des malades à soigner et qu'il vous faut être libre et main solide. Mais vous n'allez pas rester dans cette chambre, monsieur. Encore une fois, je vous rappelle que vous m'avez donné carte blanche. Oh, ne vous fâchez pas, je vous en prie, » fit le docteur. « Ne comprenez-vous pas l'état nerveux qui me fait horriblement souffrir ? Oui, oui, je m'en vais. Je vous laisse toute liberté. » Il revint vers le lit et regarda la place où s'était trouvée naguère la tête livide de l'assassiné. « Lucile, » dit-il à voix basse, « j'ai juré de te venger. Je tiendrai mon serment. » Et il sortit de la chambre. « J'ai été trop vif, » se dit Fouinard. « Et pourtant, je n'ai peut-être pas eu tout à fait tort. Ah, si la vieille Valadier, que je ne connais pas, n'était pas à demi paralytique. Mais qui diable a pu courir comme cela ?